Le tout s'accorde au master. De peur de passer au Kiyongol, faut pas taper côté ngayé. Shango souri a yebisa bango baka mate po ezanga. Rizabelo luzola nga kina ngoma ee. Ego tanzambi ya kwele kwele. Rizabelo luzola nga wa miziki ee. Wa belo rango. Oyone sauti ingenieur. Blaise Boula. Wia wia, wia wia, wia wia, wia wia ee. Rizabelo luzola nga kina ngoma ee. Universel Clément Mubengai. Rizabelo luzola nga wa miziki ee. Alberto Kalama. Oyone sauti ya le parrain. Blaise Boula. Wia wia. Kalebo, Koka Songo Nevada. Yakwele kwele Igo Tanzami. Asi Chondo. Bata mokili ba ebise ba ebazwa komona nga motangi na nyatanga soki mama te papa te Katerine Mangondo ou Cyprien Boula Allo Dakin Bayeye trouvaille grâce Dieu Pasi komo ya langa nzembo Mobola tope mosumi Ekoti kalaka seko na minoko ya bato Mkale Jesu Franco Luambo Mviki Longomba Pepe Kale Blaise Gombo Na la vina nga ya langa nzembo Zanga lobanzo Nazala kana ngai mandola Ngai na milela kateo Nazanga tope na zwa Robert Mazeya Nakipa kate Raymond Dangi Yangai kaka selo sambo Malembe malembe Nale isa banana nga Héritage à Machuda, Naomi. Héritage à Junior, le master de papa. Héritage à Dylan, président. Héritage à Queen, la reine des bébés. Bébanze Mongana Salaka, Moussala Napona. À chacun son choix, à tout le monde de Gounana. L'an 2000 et l'amour. Le procureur, le CMG, le grand patronat, Guy Aurélien, Hugo Golondele. Ma personne en rata, Yannonsi Mwamba, Adam Bombolé, l'honorable Jamala, Maestro Kansefou, millionnaire Fie Mundele, Serge Kassanda, Yatedi Kinsalao. Yo, allez, Goletia, yo, Matisse, Reflet d'Abidjan Ahmed Bakayoko Konsti Eka Yves Dembela Yves Junior Soko Shanti Kotano Anton Zabi Christine Krico Sidi Diallo Hassan Koukou Malik El Fadiga Sylvie Pereira Ibrahim Sifa Iyo yo yo Iyo yo yo Iyo Aïe aïe Elou Charouf m'appelait mon continent à référence Jeanne Aminata Hollywood City Malou Bomba Montfleury Un Panama basse pela La type K et pas à Joseph Toujours en collection Wana Bie Issa Mwakoto Michael Ikala Bouluna Kome Adida Kese Yula Bolse Depas Kondinga Ibrahim Echako Mac Manaja Egeto Yeye Modobo Djamfako Iyo Sandala Roger Mayeva Iyo La mère à Paris Malou mère première Beata Lempika José Bongolo Julie Zulema Pepe Akunji Nelly Mousseyi Lucia Sassa Yo, Betty Mulamba na chapeau. Lorette Mboto, Dodo Neko, Ikete Mboma, Yassete Mwakambani. Domine Kandolo, Yo EBC, Yo Mista Congolese. Radio Nostalgie 101.1 Abidjan 90.3 Dakar. Nadia yana mote mananga mobimba sere. Boni yoko tango nga pasi na mote mango. Yuzali wanga solo moninga. Nalinga kami kolonyo soto mona naka. Soki pemite maya bato mi mona naka. Moni yanga boni kona pesaka. Yanga ameta motema ekolo bela yo. Lui, il vient juste après moi. Ziggy Marley, Ziggy de boule, de boule. Le grand frère du joueur le plus célèbre de l'an 2000, Daddy Boula, le bogard. Sacré Molo de London. On a si sa face, y'a volé la naïo, bonga. N'a saïma y'a la kama. Amour du prochain, n'a pas de mal à la rame. Pesa n'a mal à l'issima y'a. Il n'est jamais trop tard, mais il a espéré. Popol Botombia, Popol Omeoma. Frida Mouchi, tour du monde. Chanté Mouchi, Papi le mène à Israël. Koumou et Mabé lui blesse de Noulé. Nainanimité, Nana Kima Réalité. Mota Bormana Makanissi. Sona Katabandoto. Atoma Bimeble Père Somba. Aka Koma Amen Akayoko. La souci le monde a dit nous. Ne serait-il pas sinon une fatalité. Ona wa. Le top blesse Nita. Nainanimité, Nana Kima Réalité. Moto bonga na makanisi o na kata bandoto ato wani mebe pesomba apa koma amet bakayoko na susi atika epe nostachi le monde anitendo ne sera-t-il pas une fatalite bona mama peti na nga Jimmy Manono Guy Montana we we we we amam simba hapoeta mam Hilaire Kadisha na Bijan Yolali Yoloti Yokomi Ahmed Bakayoko Le demi-dieu Il est permis de rêver Moning à l'OTAN Retourne à la réalité Poué Baï Baouza Sur mon Akiti Kuala Mikael Sassa Sur mon Akati Alcatraz Et Osa toujours chez les parents Au Koko Mampaka Kosa Ahmed Tikabalo Badjeje Pierre Ayebi Kosa Ahmed Baloba Ibrahim Diallo Fingye Kotongye Bukaniti Bokobuma Nasea Nzetamanga Yokandenge Bazo Sasa Nostalgie Mawate Kutu Yayete Représentation Ya Pamba Kutu Isa Chena Fou Malanda Kanabijante Appareil tout dépassé, mais pourquoi toutes ces calomnies? Sam Joy, nous comme on va la chercher. Baï, nostalgie, nous allons coller Africa. Voyons, on a radio, mon amour, colon, pas cabalanaka pour être mieux informé. Sénégal, Mali, Paris, Lomé, tout le monde entier. Ahmed Bakayoko, bosse de bosse. Nostalgie. L'incomparable Yves Junior Zobo. Nostalgie. Monsieur propre l'indomptable Yves Dembela. Patrick Aïna Bidjan Ayokanga. Mamou wow wow Eric Dijan. Mamou wow wow wow Eric Mambo. La Java Halette Peu. Tanzila mumeswa iwe tunakumesu kubala bala Oma o Emerite Balema La Java la meilleure Ameta wela pukanzila mumeswa iwe tunakumesu kubala bala Toto tobie Iter monana Cesare watela mpanzi Amina ukatela mpanzi Wadile, wadile ma, wadila Franco Menda Narcisse Poli Aina Limita Jero Naki Marelita Nakaya Okona Moto Abonga Nama Akanisima Ona Kata Bandoto Ato Madime Pepe Asomba Akatoma Amel Nakayoko Basusi Atika Epe Nusafi Oyo Lumunda Nitendo Nesa Wati Pasu Oye Kodalite Oyo Lumunda Monopola Lejene Nangila Singa Moto Bale Milisa Mokili S'il vous plaît Ya wili gila kako ni kore menza bula makufu Munu penkote le sekte Nata, nata, nata, nata Sengan sakre simase nfane mporte kia Luizi Abalolo Rigo Mabwe Nadimu Kachifuwa J'appelle Issa Botouli, Ibrahim Botouli, commandant Cousteau, bienvenue Bopanza. Promeneur solitaire, Elikia Nangaya Motema Lousadi Soubaye Baye Kala Nakombwa Mwana Malamu Gentille Selouta Yembeka Mongongo Mokelo Kola Bebe Yangona Lobi Yeyeye Nasuki Lelona Gentleman Noyo Yemana Yema Lili Alaska Eko Komi Sanga Solo Gele Na Metropolis Pena Imprévu Bovina nzembo yo malembe Ndokolina Molonga ninanga ya bandoto Overi ya promeneur solitaire Elikia nanga ya motema Lousa disu yo sali chef d'oeuvre Musa da Vinci na Louvre Mona Lisa ye wana konginga lokola likala moto se ya mongunda yango na lobi ye ye ye na suki lelo na gentleman oyo imana ye malili Alaska ekokomisa nga solo gele papa ali papa na félicité Dieu qui poule l'écossais qui donne maya yo boinga lopa papa Cyril suni mingi na libot Richard Kapal, Jean-Jacques Schiff, Daddy Kataï, Aline Boula na Panama, Ali Dishadi. Last pick, Disha Kisha l'homme qui prête les Américains. Amina Kamuero, Nina. Viens dans mon côté, Mimoukelengi. Amina la caméo, Lina. José na fene rite vuki se baka bito Lungwe luti Amina la kameo Lina Motino yo kwa salaka papa Nakoyo Amina la kameo ah. Motino peza lelina yo Lumo kwa Yako ya nana kanga Mikas kabuya Ataliso ya bato papa Misera kwa Waka atamo kena sima liso ya lichoye Riche yote Yoko tala Yoki vye Yoko mona Commandant et pas une ticala, n'a ticala malheureuse. Amina la caméo, Lina, Amina la caméo, Motino pesa le Lina, yo, Chakinouga, Yakoana la caméo, Chaka maté, Maître Chaka. Ah, mama et nana, mami, Teji, oh, et comme il t'a baboulou, Katerina Mangondo na Cyprien Boula Mae Genina Papa Kasusula Bobina Malinga Mamale Chebo Papa Bolo Wabonza Ziemanda Chebo Mama Kanzaku Bokanisa Mama Angebina Nzemoy Tata Mwasi Fatou Longomba Chelovi, na la fontaine, et tchèchèle, tonton Augustin Magolou, papa Erumba, mave au bon mazalara na coin à Kassina Bandal, yami milita na docteur Charles Cone, mabe à Kimas, maïjane plus de plus. Ma Valérie, Mama Virginie Boyoki, Papa Clément Makaba, Mama Yolanda, Mi escuta mi flora, Pero pa domi, Vem perfuma minha vida, O Senhor é meu sinitinga, Bimisanga, bimisanga, bimisanga, Romano Sedio, la mukia la sum sabuela. Amina la kamweo, Lina. Motino yo kosa la kapapa. Amina la kamweo, ah. Motino peza le Lina yo. Eme kasani. Yako yanga la kanga. Chise bula. Atalizo ya basto. Sati shandana. Amina la kamwe. Il était une fois de la rivière lassée de ma journée et sandrinée m'est apparu comme dans un rêve ngai moni mambu na mona na mona pe na komi kobanga bolinga na mondo yo mokolo alekaki epai na biso oya ngai nzoto meduse hey, na bobangi O grand Cupidon, t'as la soukali kambo oyo Oyelinga Oyebi, kopona tango bien Yakobete la moto molango Mama na junior, na kangami mobimba Nanya koka bolanga Na yo, akukate Rien qu'un petit mot pour naeba Position nangai et païna yo Au ballet d'argi yama Kabouina koya komi bouma Nane la olélo benga et tout la mama Moko les ali chéri au kobanza pera Mon amour, mamana junior Mamana Dilane Kwine Yaya na bango Naomi na Machuda Yoba Chale Na ebio sali kitoko mama 20 ans Na latisa yo diademe ya reine Sherazade Sandrine Lekia mama plus Mamana Lupi Ororo na leliye Longola Miami sonanga Atana Souvido Yapama Sandrine Roger Tassin Gisèle Tassin Ona papa ona yo Na kolo banenge nini Pote baeba Kenalinga kayo Morgan Becky Vandela ngana molema Lukula busta buda Nakajibia dalai la maran Zua kandana molema Eko misaka motompa kangana bo Toko melongi na diko si mama Toko mangambo ngambo ya ebale mama Yoba chale Na yebio sali kito ho mama 20 ans La tisa yo diadème ya reine Sherazade Sandrine Nathalie Mugreva Ororo na lelie Longo la Miami sonanga Atana sourire ya pamba Sandrine Iki de London Nicole Kazadi Ona papa ona yo Na kolo banenge nini Pote baeba Kena linga kayo Nalinga kate yo mona kapasi na absence nanga yango na kuna kanzoto Nalinga kate yo mitia susi ndrine mama nanga ngawa yo na ku Katwara Yo vivre pas si a bon mama bébé na maboko Yo vivre pas si a mon zemba hiver en malakinye Yo koti mi anti moko se si la moula ni mi mama ah. Yo ba chale Na yebio sali kito ho mama 20 ans La tisa yo diadème ya reine Sherazade Sandrine Ma ompeta si singani Ororo na lelie Longo la Miami sonanga Atana sourire ya pamba Sandrine La valeur sûre riche kakabal Ona papa rona ye Na kolo banenge nini Pote bayeba Kena linga kayo Banza kata na boki nene na zole la mam. L'ingénieur de son, l'homme qui arrive à manipuler 19 019 boutons à la seconde près. Jipekis Kiungu. Dans la cour de grand, eh ben ça chauffe quoi. Dieu, Dajane, maman Albertine, Ninel Joujou, maman Edith Mokondi, ma maman y'a bien. Adidas Mpembe, Lina Boutique, Constant Omari le Grand, Sami Mikobi le Grand Stratège, Juve Kabwende, maman Thérèse Massène, Edith Bamba, Jackie Lunga, Jean-Jacques Mandé, Abraza j'appelle Vincent Vicente Gomez, le PDG Patou Batanga Moussolo, Kimboala Edgar Mouesso, le fils à papa, Unité Production. Et bien la nouvelle école, Ignace Miami Moleka Diamant 10 000 carats, Betola, Daniel Ravis Robert, Jean-Marie Anquin, Christian Malila, le vieux camp Gramo Pau. Nalinga kate, yo mona kapasi n'absence nanga, yangona kunda kanzoto. Zingeti le rakabak. Na koko kate, yo mitya susi indrine mama nanga, nga wayo nako. J'y sais kabasele. Yo vivre pas si abo mama bébé na maboko. Sa ma selnette la pe ma mama ko. Na joie nouvelle ya bébé amour. Yo ko se si l'amour la nini mama. Wato na etile lo. Yo ba chale. Mama, mama, yo mo yibi gaiti. Na lila ofa. Moromi choko na papi ja Colombo, la vraie valeur n'a pas besoin d'éclat. Nakomi na Paris, Paris mboka lumière, capitale de Afro, carrefour à Bachelamien. Matéma moté, Paname Koutika la Kaka Panama. Toujours en collection. Roger Fofana, Papi Jacolombo, Moro Michoko, pourquoi bango toke sa bango? Baza Baboga, Nakuta ki bango na boutique jivoa. Jiri kolitemwe. Sali tuna mazato mona moni li susu bango. No kolando michuri. Ayama moto ba eba de sa bango. Camara Zouzina Willy Vita J.C. Katanga le Katangé Rida Shunzinga Midi Service. Il faut Chnel. Apprécier le maçon de l'époque. C'est le vaman au lika la mode. Jalouna moto de l'ikounia pena moto. Chipo se mochima. Awa basi botika basse pela. Nelo ya bangolo biya baninga. Qui gérera? Mokili ya solo tour à touré. Franck Isekia. Mes bandana banani to ebite o. Batika batra fisoto ebi bango. Oh, mokili se bongo. Servos nyarkos ngantye. Moule moule koko wa ya bem lububo. Le colonel Jacke. Papi Jacko Lombo. Yewa na zoreka. Na blouse en J3. Signé pour Jacko Lombo. Toujours au peto. Minza katina soukiye. Mwana mubalyo yuma ina luliye. Mwana luliye. Mwana ina luliye. Isabelle Jacolombo. Moro mitoko. Yewa na zoleka. Nansambla mazantomo. Yesu nike. Suka buka goyo basi bakwela kaye. Sifri asabuka. Mwana mubalyo yuma ina luliye. Isabelle Moromi Choko Brigitte Sema Batambi Singa Kongo Bamba, ah ah ah. Andimi Bango, Malume le premier, Amidi Surbise, Monde Dimi, Francis roi de Gaulle, et Tamé, Eric le matangan kumwa menaka jabunke, Dijasson, Dijasson, Matoko moule aux alakamasua. Marco Diolela, Chalet Samba, Bato Moluba, le silence d'or. Adi Shimongombe, Bégon, Cora, Henri Papa, Amino Yal, Chumou Ambrose, José Mpaka, José Kalema, Natambola Mikili na Mikili, mais Panama, Ekotika la kaka Panama. Aladi Tambo, JP Makasi, et même à Simango, JP et Congo. Yo, Olivina Lobela, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, Lani Alexis Zainda Edi Claude Kiesol Opekisa etala e Bao tindae, bao tindae Yazo e bate, aluki ba problème Yves Kimpembe Eh, mwana moko boye Sucre Ah, mokanda, mokanda, mokanda, mokanda, mokila Tale sana kwa Tale sana fupo Ezanga mochopi Banga yo, yo, inga na banga yo mama Na weza masina ba iba kate Unaeto na bakala teka Kebongo la tapileo Nazana munene ba iba kate Unaeto na bakadogo Kebongo kota makusuo Na chato mushe ba iba kate Unaeto na baseres Kebongo kota sonteo Keba na lipa pude Freddy Kavi, Oyokinelo, Kem Sarafat, Malko Chako, Jean-Piquis, Berina Katia Dimension X, La presse européenne, beaucoup d'affaires en mots, GG Photo Photo Joël, Jean Hussein, Ba Italien Magasin Kitambo, Mino Batoumana Affaires en mots, Ebana. Journal. Dan, tu sais, la femme est sans défense, mais non pas sans attaque. La femme vertueuse, Maman Ado, Maman Marie-Claire, Docteur Rose. Commandant Jacques Welangila, Bipierre Walelo, Igue Toto. Comprendre un gaï, ce qui n'a coqui mon mosika, ma cassian zotu et si lié, nana komi penina kouya na fosse, imbi sangadado. Comprendre un gaï, na simbi sinara, ma cassian zotu et si lié, nana komi penina kouya na libulu. Limbi sangere Le maneno El Dora Amo yao seku Yebalaza en danger Sable mouvant ya makani sekundi Yebala kisa ba mou Tina kingo Oh oh oh oh Dazoa L'expérience compte Namo ili kani sincero Nabuto subconscient nonga Eko benga yo soki Sala kido kotolo Nila longo la poison tiyan la mopi mwalala Promesse tu kusta me sale matere Nabutunga moko nandako

banga yo yo inga na banga yo mama na banga yo yo inga na banga yo mama na banga bana compuse na banga yo mama na banga mouchetou ville ista na banga yo mama na banga bana ipene na banga yo mama na banga iese na banga yo mama academy ibtp Faculté protestante, Beaux-Arts dansé, Ludovic de Campo, Arlette Mbouy, Miss Papillon. Batiaka tembe na leta te Po mibeku eza mibeku Tango kwey yo kapeto sa Nalingi yo na motema Mibeku Jose Kongolo Na kosenga na nzambe to sala seko Na oli oyo Mibeku Nalingi yo na motema Kamba kamuzuna kingwe bende Maître le mabe Bobo Fanta Ingangana bolingo lokola ya moko omilingaka Yelanga bolingo oya solo oya verite Motindo toyo kalaka Merci tuba Asi tobi sengo waze Mbisala Mokonji na bango nyo Mbosa kitobo zimi bembo Metafe ya mokiyo Alleluya yo Lobia na wolo Bienvenue volcan Bakou Toussaint Nganda Monique na Luanda na Beleli Abdul na Luanda Saboum Vouam Eme Abil Alvaro Mwanza Roger Niwa Sissi Selenge Apollinaire Kartou se kanta Oki Mukaba Limanga King Makiadi Liberko Joseph Yayana Bien. Mathieu Mbumba, Dini Mukendi, le député européen. Inanga na bolingo lokola ya moko omilingaka. Yelanga ya solo neti oyo nzambe atika. Motindo toyo kalaka. Makasi tobisengo. Mosotango. Bozangi tobosi daleta. Lobia Christiana Kwasa Onji la musica du pépé Nali Niyo Mibeko Magino Mongana Désiré Maloune Nali Niyo Mibeko Président Fabrice Massé Congo Droga d'Afrique Yaya Mbosa Yaya Après Diamant Sebibende Nana lila Nana niye Tim se pape Mungu nanga bolingwa Sincerite Yo mangu vaka Mama nangana lila Sena loye mbopo nedi Ilo sa uniku mwaye Expression nanga Eme siaka Patrick Kosan Mama nangana lila Nana niye La tundo mbasi Mungu nanga bolingwa Sincerite Papi ate Nangana lila Sena loye mbopo Kale kasyama Expression nanga wana Every time I go home be with you never live without you chips on Hanani never go away I love you me back away Nipa ingana tikala Pati na mote mango die Mo Himalaya Nenongo ya yo Batina bisengo nyosona mapapa yawe Yakatolingana dala tango mikoleka Misoko ya masi ezali nde fololo yembeli ya papa na ye azali kolula yo oyo ozali se tinanga serge kanta yeba lobi na lobi tango yo konuna ye bakoya kobosanake balingaki dake kalenga Master Kombo na yo bolingo Bouton papa Kombo na yo rapé Kombo na yo rabi Kite la mibeko Bongo la ye motema Yaya na deni Moninga dalida Mama na dadjou Pasya boye lingi se nga Je tu paka ye Tani kombo na yo moko Soki mpe mikola bole pa Kamo mpe Oti la ou je tu paka Claude Mundi Papi mwe katon Mama Paulette Toto oki jan kamae Yo mi berkwe Mama Nandria Mama Nanavare J'ai clair Timpaka Atama de Sanse Mama Nangana Lila Nanani Ezo Koko Mounanga Bolingwa Sincerite Ezo Polo Mama Nangana Lila Sengalo Ye Mbombo Na Ebi Unique moyen Expressionnanga Lila Rêve Yela Mba Bolingo Na Yo Gigina Sika Loboko Na Bobiston Tafaba Play Mama Taka Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Mama Isakison à Lyon, Anderson de ma bande à la Luanda. Olga Vercamen, Nanette Pierrotini, promis de tout accord de master. Dido Bas, Junior Ngoma. Mike Villa. Papa est un chambac. Oh, qui m'a la même à Dominique Samoukilia. Kaluji Roger Tassin Alino Kisa Mukonde Mukonde Mukila Mama Mama Talezana Mboa Tanya Talezana Mpuku Fondération Winter Ade Ingana Bangayo Yo Ingana Bangayo Franck Kansoula Mon petit Mouna et Donda Bakarateka Kebo Kola Tapine Olivier Nazanda Mounene Baiba Kate Emmanuel Mouna et Donda Bakarateka Le cas c'est mon tout qui t'est sur le ngai à la maintenance banabundes. Motema e posu wangai bana kolela kayo ligo jenye. Kase kapo mo viki bukul Zoto ebole ngangai Pona kopanza kayo Maître Ligoe Jules Mbembe Patrick Nzoiba Maho wanchi ebisa na ligo Po a eba o Motito na linga kaye Na mote ema o Jules Guilin en touche à plus à Malata Kala. Mami Moudianda Mouyayou. Dalana Kofano Zoto Bona Bokani Sakayo Tango Nyoso. Mama Nabutu Pemo Iko Lela Bayo. Zachary Bababas, R. Moro polémique et de la Ranagou. R. Melina Boulambe, maman Amigé, Mamie Lodam, Yassine Moukout, Kim Mbata, Adjani de Switzerland. Talana Kofano, Zoto, Bona, Bokani, Sakayo, Tango, Nyoso. La nana bolingo esale ma boye pona nini ligo jenye na pesyo maso lingaki kasuzo mise linga bolingo na yo patilo kondo alen kisura na pokachwa pata ye matale la mali kambo ikwapo miko kima bolingo lilo bwes alen matambo Willy Ilunga Fule Lukis José Monsolo Mbapasi na bisemo toko mona na mokili toko yeba Eh, Oasis Stino Kazani Bolingo bato bato bako sala na mokili Suka suka mindondo po ninyo Chier Somba Edingo Mafiston Tango Mbape sanga vinaga na posa yama Na posa yama yo Mbape sanga irina na posa ya biere Eh, de bleu kinam Na mekina lobam Bakatanga lolemo La bamba oza kuyoka Na pesa mokongo mwana mando atyanga Et du bon boulot Nzambe sunganga Yonde kolonanga Na salango ninyo obe bakal Yo pichu mulumbo obe bakal Da ho da ho bankala ye Biroje ma chebiche Lo chiko go de mutu Na zambe lande meni nyango Bona blese boulo ma trebe Alba Bombito, aux autres papiers dans la ligne d'Orient. Zambé Bessa Loupé Mora. N'a que 9 ans. Zambé Mokil, Nandé Mokela Kiyamo. Rigue! Ma pamba lié, Sopana. Ma pamba lié, Makisa Maïti, Tamano Kaka. Taya Mikolo. Elisa Yambé Ma. Salon Flaki. Après Wen de Silu. Les Inomo, la Rara. Projecteur. Le bruit ne fait pas de bien. Josaïna Kotinanga Confection Zawadi Camille dit mon équene vieux dimanche Isokanye ba Nimoko miko kite dakati ki kalolo manatoye Hey Aladi faka kadiko Na couloir wali abimalo kake inyana Kante sa sok naga kouta ve raison Shiba de fin de kou yeke yeke Kabla den koro Jacques Tire na Montréal Bolingo Et sale ma boye Pona nini ligo jenye Tonton Zola mesone o ton Na pesyo maso linga ki Na sozongi se linga bolingo na yote Serafin Banza animant de kaseya Na poka chwa Chafer mali batale la mali kambo Iba komi koki ma bolingo na Papi Fusombi, prix Nobel Daniel Monantebe Le grand pharaon J'ai Mandon Joki Bombi Sur plus Marie États-Unis. Jour Benga. Roubesh. Nono Potence. Réveille-toi. Africa. Lamuka, Ozakolala, Lamuka. Berceau de l'humanité. Non la guerre. Ba koko ba kene boumbu, o sale la mondele. Elo biso ba umbu, bebi singa singa na mondele. Zoka Afrika mboka mbongo e. Ba konzi bo sangana, bo tombo l'Afrika. L'instruction est indispensable. Ba lola lo poso na yo, yo koko ma mondele. Bo na koye bisa yo, ki mondele ya outa na moindo. Tozali be moko. Mes frères africains, conscientisons-nous car notre continent est beau et riche. Bayo, bakole la nzala e. na yo Africa. Nenga nini Zambe otondi sase ama bele na biso bomengo me pasie polanda biso tina kati ya malita. Nenga nini Zeta poko tina lona kie boti mume komeli na buki na basoli Mali ya pamba ye Dumbwa loko somo indo mizeri Ngai na bande kubangato kufina nzala mankasa kukoti nzala kandula Ne consolation Afrika mawapo. Abbé Camille Moulumba, Abbé Jim, Abbé Blaise Oumo, Pasteur Méard, Frère de Bab, Tosambe la Bonne Afrique, Dimia Ekota, nous voulons la paix. Car l'Afrique est plongée dans l'ombre, funèbre, funeste, atroce, pervers, odieux, catafalque, ténébreux, rébellion, anarchie, sommet après sommet. Conférence sur conférence. Bakoko bakene boumbu, osale la monele. Lelo biso baumbu, bem singa singa la monele. Zok Afrika moka mongo e. Bakozi bosangana, otombo l'Afrika. La pensée du juste est une prière aux yeux de l'Éternel.